choses, faut les faire vivre. Pareil que des gosses coupent les veines à vif. Pareil que certaines classes restent vides. Pareil que c'est social, que l'actrice c'est la crise. Mec, le débat est dans le coma, on met vite la prise. Pareil que ça démarre à petite échelle dans les caves, pour finir à l'Elysée, en débattant sur la cam. Pareil que ma rime gronde, mais qu'elle renie le trône. Que la célébrité à voir, ça devient vite drôle. Pareil que la juge couche avec ton avocat, bâtard. Pareil que tu violes la petite et que tu t'en vends. Attends. Pareil qu'il n'y a plus de personnalité vraie. Hey. Pareil que la télé-réalité est une fée. Hey. Pareil que ta fille travaille plus, mais des jupes, elle veut faire la pub. Mais la vérité, on fera des doux putes. Pareil que ça tire grave dans ta street. Mec des 50 en bandana, abandonné sans un fric. Pareil qu'on rappe pour passer le message. Pareil que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Pareil qu'on s'unit, que notre rap est unique. Pareil que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. Pareil qu'on rappe pour passer le message. Pareil que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Pareil qu'on s'unit, que notre rap est unique. Pareil que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. La vie c'est technique, les conflits ethniques. Y'a plus que des FNI, les petits trop tôt sneak. Qui paraît la vie c'est un palais, mais les lois font pas les prendre à la légère. Ou alors tu finis en palais. À ce qui paraît ici, plus personne ne ment. Mais c'est quoi ces lois qui vont au parlement? À ce qui paraît ici, mec, faut qu'on tente. À se faire baiser par le système, mais faut qu'on tente. Qui paraît ta rage, faut la dire calmement. Mais toutes tes conneries, moi je m'en fous carrément. La température monte et j'augmente les degrés. Normal, on fout le feu dans le gouvernement. Paraît qu'on a fait la révolution pour les droits de l'homme. Y'a pas d'évolution, et sans pire dans ma zone. À ce qui paraît, Sarko veut nous nettoyer au karcher. Mais on aura sa peau cachée, pas chère. Paraît qu'on rappe pour passer le message. Paraît que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Paraît qu'on s'unit, que notre rap est unique. Paraît que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. Paraît qu'on rappe pour passer le message. Paraît que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Paraît qu'on s'unit, que notre rap est unique. Paraît que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. Paraît qu'on élimine les gars qui se trompent. Paraît qu'on pisse sur ton trône, vu tout jeune, ça manie déjà le fusil à pompe. Paraît que chacun a ses histoires dans sa zone, méfie-toi de la mienne. Y'a beaucoup trop de petits gars qui collent. Paraît que Nord fait du rap, du rock. Du hard, du roux, du blues, du back, toutes les musiques sont bonnes. Paraît que je m'imbibe de ce qui m'est le plus cher. Ma famille, mes potos, mon hip-hop, y'a rien de plus sincère. À ce qui paraît, le message est clair. Paraît, mon pote, qu'on ne parle jamais confiant. Paraît que les jeunes se jouent de tout à mes terres. Le message est clair. Éclairons un peu notre vie. Ma famille, les potos, mon hip-hop. Paraît qu'on rappe pour passer le message. Paraît que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Paraît qu'on s'unit, que notre rap est unique. Paraît que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. Paraît qu'on rappe pour passer le message. Paraît que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Paraît qu'on s'unit, que notre rap est unique. Paraît que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. Paraît qu'on rappe pour passer le message. Paraît que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Paraît qu'on s'unit, que notre rap est unique. Paraît que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage. Paraît qu'on rappe pour passer le message. Paraît que tu nous comprends pas qu'on va être obligé de forcer le passage. Paraît qu'on s'unit, que notre rap est unique. Paraît que le rap une thérapie, alors on vient forcer le dosage.